boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Les Teutons toujours vivants, malgré plus de 30 ans de carrière, viennent d'ouvrir avec After All, qui date de 1987, un pop and rock sur la trail locale RVR qui fait tout de suite la part belle au duo rock de Clinique Rodeo. C'est précis, c'est froid, c'est noir, c'est chirurgical, c'est Clinique Rodeo. Ce soir, on se consacre une seconde fois au premier album de Clinic Rodeo. On vient de profiter de He Wants It. Ne vous relâchez pas, le scalpel se relance avec Lustful Gaze, second titre du soir des Clinic Rodeo. Ce soir, on se perd dans les histoires sombres du duo rock noir de Clinic Rodeo. Après He Wants It, après Lustful Gaze, voici The Snake. C'est lourd, c'est intense, c'est Clinic Rodeo. Entre 17h et 18h au 104.6 sur Rouen et sa région, et tous les jeudis à partir de 21h sur Ample Puy, vous écoutez Pop and Rock sur la très locale RVR. Merci la voix off. Eh ouais, Raskolnikov ne dort toujours pas à 3h du matin. Et d'ailleurs, Raskolnikov ne doit pas dormir car on attend le nouvel album et surtout la vidéo tournée pour partie autour de Rouen. Alors en attendant, une seconde piqûre de rappel. Raskolnikov, Matze, à toi. Salut, on est Raskolnikov. Vous écoutez Pop and Rock sur RBR. Et là, je suis sûr que la Nidale va se dire « Le chat, là, il va envoyer l'Albert. » Eh ben oui! Pop and Rock s'enrichit chaque semaine de nouveaux artistes, soit en session de rattrapage pour les cadavres exquis du rock, soit en session découverte comme tout de suite Scénario Rock, groupe français qui nous envoie Modern Epicureans, c'est doux, c'est bon, c'est Scénario Rock. No! Bon, alors je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il y a un petit goût des années 80 dans ce morceau de Scénario Rock. Du coup, j'ai envie de rajeunir. Voici donc un des groupes que j'écoute depuis 40 ans. On va se faire les Sad Lovers and Giants. Vous êtes toujours bien calé au 104.6 en train d'écouter Pop and Rock sur la très locale RVR. Là, faites bien gaffe, voici de l'or en barre. I always follow the fate. be here soon. And his face is tired and worn, a fading star in the dawn. Like this, we lived our lives to please. Like this, programmateur ce soir, il se casse pas la tête, deux petites découvertes et des triplettes à la tête. Gonflez le gars. Dis donc la voix off, tu sembles oublier qui est le boss là, hein? Oh non, je risque pas d'oublier. Oh. C'est clair, le boss, c'est le Bruce. Quelques années plus tard, un petit rouquin de Glasgow faisait exploser nos tympans. il est clair que les années 80 c'était bien, mais le 21e siècle saura aussi nous faire danser. On se quitte avec Broken Bells. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme toujours, bis à tous. Now the heart in the garden catches my eye.